Oh, Josepha! S'écria le baron. Comme c'est bête, une explication, répondit-elle en souriant. Voyons, vaux-tu les 600 000 francs que coûtent l'hôtel et le mobilier? Peux-tu m'apporter une inscription de 30 000 francs de rente que le duc m'a donnée dans un cornet de papier blanc à dragées d'épicier? C'est là une jolie idée. Quelle perversité! Dit le conseiller d'État, qui dans ce moment de rage aurait troqué les diamants de sa femme pour remplacer le duc d'Hérouville pendant 24 heures. C'est mon état d'être perverse, répliqua-t-elle. Ah, voilà comment tu prends la chose. Pourquoi n'as-tu pas inventé de commandite? Mon Dieu, mon pauvre châtain, tu devrais me remercier. Je te quitte au moment où tu pourrais manger avec moi l'avenir de ta femme, la dot de ta fille et... Ah, tu pleures! L'Empire s'en va! Je vais saluer l'Empire! Elle se posa tragiquement et dit « On vous appelle Hulot, je ne vous connais plus !» Et elle rentra. La porte entr'ouverte laissa passer, comme un éclair, un jet de lumière accompagné d'un éclat du crescendo de l'orgie et chargé des odeurs d'un festin du premier ordre. La cantatrice revint voir par la porte entrebâillée et trouvant Hulot planté sur ses pieds comme s'il eût été de bronze, elle fit un pas en avant et reparut. « Monsieur, dit-elle, j'ai cédé les guenilles de la rue Chauchat à la petite Héloïse Brisetout de Bixiou. Si vous voulez y réclamer votre bonnet de coton, votre tire-botte, votre ceinture et votre cire à favori, j'ai stipulé qu'on vous les rendrait. » Cette horrible raillerie eut pour effet de faire sortir le baron comme Lot dut sortir de Gomorre, mais sans se retourner comme madame.